Dans Parole d'expert, Fabien Noirot, directeur du développement Grand Compte et ESS chez Harmonie Mutuelle, nous parle de l'absentéisme en entreprise. L'absentéisme touche 50% des salariés. Chez Harmonie Mutuelle, nous aidons les entreprises à trouver des solutions pour limiter l'absentéisme. Nous proposons aussi une couverture prévoyance complète et sur mesure pour éviter ou limiter la perte de revenus des salariés. Enfin, la garantie prévoyance s'opère dans un cadre fiscal et social avantageux pour l'entreprise. C'est du gagnant-gagnant. Plus d'infos sur harmonie-mutuelle.fr. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. C'est l'idée de voyage qui nous occupe cette semaine. Nous nous demandons quel désir s'y love, mais aussi quelle angoisse du vide et quelle peur de la déception. Deuxième épisode aujourd'hui, Baudelaire, Ségalène, Michaud, les voyages intérieurs. Ils ont voyagé, mais ils ont aussi détesté les voyages parfois, à divers moments, essayant d'y retourner pour vérifier encore le vide qui ne se comble pas. Ou bien pour dire la seule chose qui compte vraiment, le voyage en dedans. Les substances stupéfiantes les ont tous les trois intéressés plus ou moins longtemps. La confiture verte, c'est-à-dire le haschich pour Baudelaire, l'opium pour Ségalène, la mescaline pour Michaud. Mais en réalité, on ne peut pas dire non plus qu'ils aient vécu ces voyages-là comme des merveilles. Ils ont même dit parfois que tout cela ne faisait pas grand bien à leur créativité. Non, le voyage pour ces trois-là reste plutôt un graal ou une idée, ou encore, selon le mot de Baudelaire, une invitation dont la réalisation n'est peut-être pas vraiment l'enjeu au bout du compte, même si elle demeure une question. Voyageur bien moins serein qu'un Pierre Loti, moins engagé qu'un Malraux, plus poète avant tout, plus poète, oui c'est cela, et dans l'inquiétude d'une vie dont la valeur et le sens restent des énigmes. Parlons donc ce matin de Baudelaire, de Ségalène et de Michaud, avec trois spécialistes de ces étranges voyageurs. Bonjour Sophie Nolot. Bonjour. Vous écrivez et vous avez été productrice à France Culture. Vous êtes l'ancienne directrice du Printemps des Poètes. Vous avez publié en 2011 chez Gallimard « Poètes en partance » de Charles Baudelaire à Henri Michaud. Bonjour Christian Doumet. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de littérature française de Sorbonne Université. Bonjour Adrien Cavallaro. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en littérature française à l'Université Grenoble-Alpes. Tous deux êtes des excellents connaisseurs de la poésie des 19e et 20e siècles. Vous avez établi ensemble l'édition de la Pléiade des textes de Victor Ségalène, qui était une référence importante pour Henri Michaud. Il y a une certaine ligne qui part de Baudelaire à Michaud. Je compte sur vous pour nous l'expliquer et pour nous dire la place qui tient l'idée de voyage. Je reste auprès de ceux que j'aime. Je reste auprès de ceux que j'aime. Réveille-toi, ma chérie. Je reste auprès de ceux que j'aime. Je reste auprès de ceux que... auprès. Oh, Dorothée, écoute. C'est Tante Olympe, ma chérie. Oh, Tante Olympe, c'est toi? Oui, c'est... Il y a quelqu'un? Bonjour tout le monde! Dites donc, j'ai appris que votre petite Dorothée a eu un accident et je viens voir. Ah, la voilà. Elle a l'air d'aller mieux à présent. Mais elle nous a fait une belle peur. On a bien cru il y a un moment qu'elle allait nous quitter. Oh. Mais je vous ai quitté, oncle Henri, et j'ai été très loin. Et depuis des semaines, j'essayais de rentrer. Là, là, calme-toi, allons. C'était un cauchemar, chérie. Bien sûr. Tu te souviens de moi? Ton copain Jacques. Oh. Et de moi, Icori. Tu reconnais bien ma tête d'idiot? Non, je n'ai pas rêvé, je le sais très bien. Il y avait un palais. Je t'ai vu, toi aussi, et toi, et vous aussi. Mais pourtant, ça n'était pas tout à fait vous. Ah, on fait des rêves abracadabrants quand on a... Non, Tante Olympe, et je me souviens de tout. J'étais dans un pays, et je me rappelle que je ne me suis pas amusée tous les jours. Mais ce pays-là était bien beau, c'est vrai. Malgré tout, je répétais à tout le monde que j'avais envie de revenir chez nous. Alors la fée m'a reconduit. Alors vous ne me croyez pas? Mais si, nous croyons. Et puis en tout cas, Toto, je suis chez moi, chez moi. Regarde, c'est ma chambre. Ils sont tous ici. Et je ne m'en irai jamais, jamais maintenant. Parce que je les aime tous. Oh, Saint-Olympe. Je reste auprès de ceux que j'aime. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Et vous venez d'entendre la fin délicieuse du Magicien d'Oz, ce film de 1939 réalisé par Victor Fleming, adapté du roman de Lyman Frank Baum, qui est un roman de 1900. Le rêve est un pays, dit Dorothée, à la fin de ce voyage extraordinaire qu'elle a fait. N'est-ce pas finalement le seul pays dont on ne se lasse jamais pour les trois poètes dont nous parlons ce matin? Je vous laisse la première place pour cette réponse. Je sais bien que la question est difficile. Sophie Nolo. Non, je ne crois pas, parce que je crois que la poésie vécue est au cœur de leur vie, de leur écriture, des choses. Bien sûr, il y a du rêve, mais en tout cas pour Ségalène et Michaud, le voyage n'est pas une peur du vide. Le voyage est envie, le voyage est désir. Et même Baudelaire, qui est celui qui a le moins voyagé, ne parle que de partir. Et est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, chez les trois, l'idée que les pays réels seront toujours un peu décevants par rapport aux pays imaginaires? Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Non, et je crois que c'est la force de la poésie. La poésie a les mots pour le dire, au contraire. Et Michaud de dire, et si ça ne va jamais, moi, ce pays, je peux l'arranger à ma manière. Donc non, je ne crois pas. Je crois que c'est la grande différence avec la poésie. Qu'en pensez-vous, Christian Doumet? Tout dépend du sens qu'on donne au mot rêve. S'il s'agit de l'activité onirique, non, je ne crois pas que le rêve ait une grande place à proprement parler chez les trois auteurs dont nous parlons. En revanche, si on entend rêve par imaginaire, alors évidemment, là, ils sont à leur affaire, mais ce rêve-là, il se construit chez les trois, mais surtout chez Ségalène et Michaud, il se construit dans la confrontation avec une réalité qui est souvent très très dure, très rugueuse. Et alors, je ne saurais pas dire si pour eux c'est une partie de plaisir ou si c'est au contraire une catastrophe. Mais en tout cas, il y a un travail d'élaboration du rêve entendu comme imaginaire qui est chez les deux derniers, en tout cas, très très constant. À vous maintenant, Adrien Cavallaro, pour cette question difficile. Je rejoindrai, la question est difficile en effet, je rejoindrai ce que vient de dire Christian Doumet, plutôt prééminence pour ce qui concerne Baudelaire, en tout cas de l'imagination, ça c'est une certitude, dans la mesure aussi où, contrairement aux deux autres, Baudelaire a très peu voyagé. Et bon, il a tout de même fait une grande traversée vers des Indes, mais des Indes vers Calcutta, il n'est pas 20 ans, mais des Indes qu'il n'a jamais gagné. Donc il s'est arrêté sur l'île Bourbon pour rentrer ensuite en France. Et par cet acte peut-être fondateur dans sa réflexion sur le voyage, il nous montre sans doute... alors, que le réel est décevant, ça, on ne le sait pas, mais en tout cas, qu'il y a des pays à gagner qui ont peut-être plus d'intérêt, notamment ceux de l'invitation au voyage, plus que du voyage effectif lui-même. Alors, on va faire un peu dans l'ordre chronologique. On va parler de Baudelaire, puis de Ségalène, puis de Michaud. Mais tout de même, pour rester sur cette question de l'imaginaire, le rêve étant entendu comme l'imaginaire, là, dans ma question, je m'étonne tout de même qu'après avoir tant voyagé dans les années 1920-1930 et vu tant de peuples, notamment en Amérique du Sud, Yves Michaud décide de produire un... Henri Michaud, excusez-moi, je savais bien qu'à un moment il y aurait... Et avec un X. Oui, avec un X. Donc, disons-le, voilà, j'ai fait exactement le lapsus que je me suis promise de ne pas faire. Michaud, donc, produit un recueil où il invente des peuples. Où il invente, et c'est ce recueil qui s'appelle Ailleurs, avec des peuples, avec des clans différents, avec des conflits différents, et surtout avec des sonorités extraordinaires, donc c'est très poétique. Écoutez d'ailleurs ce qu'en dit le poète Jean-Pierre Verheghen, donc c'est à propos de Michaud, et il parlait dans un documentaire de France 3 de 1995, Un siècle d'écrivains. Ces voyages en Grande-Garabagne, par exemple, vous avez les peuples, simplement les cités, les Haks, les Birks, les Urdes, les Yoffs, les Aravis, qu'il ne faut pas confondre avec les Arnavas ni avec les Arnadis, les Orbus qu'il ne faut pas confondre avec les Homobules. Et c'est lui, chaque fois, c'est lui le sauvage partout. Il nous apporte une liberté totale, en fait. Quand vous êtes au pays de la magie, vous vous souvenez qu'il y a un costume pour prononcer les R, quand même. C'est fabuleux d'inventer cela. Un costume pour prononcer les on ne sait même pas les prononcer. Ou bien comment dire, en fait. Quelle leçon pour tous les lettristes. Ce costume à prononcer la lettre R. Ou bien l'enfant qui naît avec 22 plis. Voilà un terme assez étonnant, le mot pli. J'avais vu ça en gare de Metz. Bureau des plis. Pensez à Michaud. Pensez à Michaud partout. Ou bien le moribond qui a deux doigts. Ou bien un pinceau à pavé. Ce mec, il dit c'est un pinceau à bâtir. Il invente des choses. Ou du foie de veau sans veau. Quel rêve. Foie de veau sans veau. Du blanc de poulet sans poulet. On est où? Ou bien un crapaud qui vaut deux guêpes. Un crapaud vaut deux guêpes. Ou bien on peut embarquer un mort sur un caillou. Et vous avez comme ça au pays de la magie une traversée d'un... Tout est langage. Je veux dire, voilà peut-être un écrivain totalement 100% du langage. Si tout est langage, Sophie Nolot, c'est que n'importe quel pays peut être inventé et il n'est pas nécessaire d'aller voyager dans des pays réels. Bien sûr, mais dans le cas de Michaud, il les a bel et bien arpentés, ces pays-là. Oui. Et pour écrire tout ça et pour inventer tous ces peuples, il s'est confronté à l'Inde. Et lui qui était si à distance des êtres, c'est très émouvant d'entendre Jean-Pierre Verheyen, qui est mort il n'y a pas si longtemps, et de se dire que Verheyen, qui lui aimait la Belgique, aimait aussi Michaud, qui détestait la Belgique. Son point commun avec Baudelaire, je crois. Et avec Rimbaud, ils sont tous très... Oui, c'est fou ce que vous dites, parce que je me suis rendu compte de ça... Baudelaire donc tombe dans l'église qui le rendra la chute qui le rendra aphasique pour aller vite. C'est à Namur, où Henri Michaud est né et d'où il a voulu partir. Et c'est en 1866-67 que 66 qu'il tombe, oui, à l'église Saint-Loup. Il meurt 67, l'année d'après. Oui, il meurt à 46 ans. Donc et oui, c'est là que Michaud est né. Et c'est à Namur que Michaud est né, qu'il quitte tout petit à un an, il part pour Bruxelles, mais il a une détestation de la Belgique, de sa famille, qu'il exhérède par testament, alors qu'ils sont tous déjà morts. C'est quand même assez insolite pour le préciser. Et oui, c'est magnifique ce que dit Jean-Pierre Verheyen, parce que Michaud avait ce côté-là aussi très... C'est drôle, Michaud, en fait. À le lire, c'est quelqu'un d'une intranquillité extrême, quelqu'un d'un tourment, quand vous parliez de la peur, du vide, enfin, c'est quelqu'un qui aura passé sa vie à souffrir de son cœur cardiaque fragile, de sa malformation congénitale, mais qui, en même temps, n'a voulu que partir. Il vivait dans des hôtels différents, enfin, donc ce pays rêvé dont vous parlez, bien sûr qu'il est à l'origine... Mais il est à l'origine du mouvement et du corps qui va partir et qui va... Je pense que Michaud n'aurait pas pu écrire tout cela s'il n'avait pas voyagé. 1899, c'est sa date de naissance en Belgique. En effet, une partie de sa famille était wallonne, l'autre était ardennaise et il a essayé d'effacer tout ce qui venait de Belgique. Michaud, et il a surtout essayé de partir assez vite, en effet. Après un an d'études de médecine, il a embarqué pour l'Amérique du Sud et puis il fera tout un tas d'autres voyages, notamment avec son ami, le poète Jules Supervielle, dans les années 1930. Une dernière fois, je reviens sur cette question du pays imaginaire qui donc, en quelque sorte, 20 ans, presque 30 ans après les débuts de Michaud voyageur, deviennent ce qui est au cœur de ce livre ailleurs, des pays complètement inventés avec des sonorités extraordinaires. Est-ce que ce n'est pas malgré tout une leçon qu'il tire de ses voyages? La question... Adrien Cavallaro. Oui, on peut se poser la question, parce que quand on lit effectivement l'œuvre de Michaud, on n'a pas le sentiment, notamment avant, ailleurs, dans les premiers textes, qui est Ecuador, on n'a pas le sentiment non plus qu'il y ait une évacuation totale de l'expérience réelle du voyage. Ce sera la même chose c'était la même chose avec Ségalène. Au contraire, il y a une confrontation physique avec l'ailleurs. Une confrontation même sensorielle de tous les instants. Et on peut dire que ce que Michaud élabore dans Ailleurs, c'est vraiment le fruit d'une longue expérience sur laquelle il revient de recueil en recueil. Il y a plusieurs œuvres d'ailleurs qui séparent le premier texte de Michaud d'ailleurs. Donc la leçon qu'il tire du réel est, si je puis dire, elle, bien, bien réelle. Alors, il y a une autre question qui se pose pour Michaud et ses peuples imaginaires. Christian Doumet, c'est que c'est souvent à travers des peuples imaginaires qu'il parle de politique. Il y a même un texte, vous nous avez alerté, Sophie Nolot, sur ce texte, enfin, vous nous avez suggéré que c'était une bonne idée de s'y référer. En effet, ce texte s'appelle Le secret de la situation politique et qui paraît dans Face au verrou en 1954. Il parle encore de peuple. C'est pour ça qu'on ne peut pas le lire. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas lu, ce texte. C'est trop difficile. Avec les sondages 15 fois par jour. Voilà. Et c'est d'autant plus troublant que Michaud n'a pas tellement parlé politique. Je veux dire, dans la réalité, pendant la guerre, il était en zone sud, dégoûté. Il mettait en scène des personnages à double tête, dont une pour évacuer le mauvais. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il n'était pas perturbé. Mais ça le mettait très mal à l'aise. Et c'est dans l'imaginaire qu'il a imaginé justement des guerres, des conflits. Christian Doumet. Oui, c'est peu de dire que Michaud ne parle pas de politique. C'est un thème de son œuvre qui est totalement, enfin presque totalement absent. Point commun d'ailleurs en grande partie avec Ségalène. Ou alors il invente une politique, là encore, totalement imaginaire. Alors certains ont voulu tracer des liens. Des traits forts entre la politique de l'époque, hein, ailleurs paraît en 1946, je crois, au moment où on découvre l'existence des camps, etc., on découvre ce que c'est que le totalitarisme. Et bien sûr, il y a une lecture politique de ces textes qui est toujours possible. À mon sens, c'est une lecture réductrice, parce que ramener ces inventions, et notamment ces inventions verbales dont vous parlez, à des catégories actuelles, de l'actualité, certes, il y a un lien évident, mais ça les réduit considérablement. Ouais. Chaque nom de peuple, chaque pratique de ces peuples étant une invention poétique. Et alors, on pose là la question du lien possible entre poétique et politique. Il y a certainement un lien, mais il n'est sûrement pas à chercher dans une correspondance ou une similitude ou une symétrie exacte. Pas du tout. Il y a le pas de côté de la poésie. Toujours. D'ailleurs, pour les trois, pas de côté sur lequel on va sans doute revenir. Alors maintenant, je vous propose Le Voyage, avec Baudelaire, puis Ségalène, puis Michaud. Alors commençons par Baudelaire. À 20 ans, en 1841, il déteste son beau-père, un général, le général Opic, qui ne l'aime pas non plus beaucoup et qui pense à l'envoyer très loin. C'est lui qui le met sur un bateau pour les Indes, donc en 1841. C'est peut-être quand même fondamentalement la raison pour laquelle Baudelaire n'est pas dans la jouissance là, du voyage. C'est dur ce voyage, c'est très dur et en plus ils n'arriveront pas, il s'arrêtera à l'île Maurice, à l'île de la Réunion. C'est un mauvais souvenir, non ? Alors, en tout cas, c'est une expérience fondatrice parce que c'est un voyage qui, en effet, est un voyage contraint. Et on peut dire que toute sa vie durant, Baudelaire aura moins la passion du voyage que ce qu'il appelle, notamment dans Mon cœur mis à nu, l'horreur du domicile. Et alors c'est amusant quand on lit le compte-rendu que fait le capitaine du paquebot des mers du Sud, au nom si romanesque, où s'embarque Baudelaire en 1881, quand ce capitaine Salis raconte un peu comment Baudelaire s'est comporté, on lit la vie d'un parfait misanthrope. Parce qu'on a ce témoignage. On a une lettre assez longue qu'il adresse en désespoir de cause au général Opic, qui vient d'être... C'est pas quoi faire général, de son fils, quoi. C'est pas quoi faire de son fils. Donc, le général Opic, effectivement, l'a envoyé au loin pour l'éloigner d'une vie dissolue à Paris, l'éloigner des dettes. Mais Baudelaire ne lie de lien avec aucune société et décidera effectivement que ça suffit bien lorsqu'il arrive à l'île Bourbon. Donc, c'est un Enfin, c'est un mauvais souvenir. Il jette quelques notes autobiographiques au début des années 1860 où il parle de ses promenades heureuses à Maurice, à La Réunion. Et il ajoute aussi des destinations où il n'est pas allé, ce qui est intéressant pour nous parce qu'il parle des îles Malabar, de Ceylan, de l'Hindoustan. Beaucoup plus fascinante peut-être que le réel qu'il a expérimenté. Peut-être tout aussi fascinante, oui. Et enveloppée dans la même lumière exotique d'un souvenir recréé. Donc, il y a ce mouvement-là chez Baudelaire qui est fondamental plus que l'expérience vécue. Sophie Nolot, on a un peu l'impression que les vrais voyages importants, décisifs, dont on retrouvera la trace dans Les Fleurs du Mal en 1857, sont d'une part le voyage que fait faire à Baudelaire la découverte d'Edgar Allan Poe, une magie, quelque chose là de décisif, et d'autre part, l'idée, au fond, qui s'appellera celle de la vie antérieure dans Les Fleurs du Mal, ce poème La vie antérieure. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux, etc. C'est-à-dire ce pays qui est à l'intérieur de lui. Oui, c'est pour ça que je pense que ce voyage, certes contraint, initiatique, à 20 ans, est précieux. Et que le voyage, l'invitation au voyage, tout ce luxe calme et volupté, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Je pense qu'il n'y aurait pas cette aimantation, cette part du rêve, cet imaginaire aussi, s'il n'avait pas un peu trempé, quitte à en souffrir, oui. Et quitte à en avoir été malade, enfin, et ne pas avoir voulu ensuite repartir, puisque la seule frontière qu'il est passé ensuite, c'est celle de la Belgique, nous le disions, et ça ne lui a pas porté bonheur. Je pense quand même qu'il y a là-dedans un ferment actif. Et ce que vous dites sur les mots, sur la langue anglaise, sur Poe, sur ces poèmes qui tout d'un coup convoquent des mots venus d'ailleurs, oui, participent de cela. Pour répondre à votre question du rêve et de l'imaginaire, parce que c'est vrai que Baudelaire est sûrement celui qui est le plus atypique dans ce tiercé gagnant d'aujourd'hui. Je repense à une phrase que Philippe Lançon a écrite sur la poésie, qui dit qu'en fait, quand écrire, c'est une façon d'être ailleurs tout en étant là. Et Baudelaire, c'est terriblement ça. Et dans le Spleen de Paris, dans ce Mon cœur mis à nu, enfin ce titre magnifique, il y a cette vérité, il y a cet être-là, cette ontologie de l'ici, mais qui est sans arrêt projetée vers l'ailleurs. Alors il y a un poème qui s'appelle Le Voyage dans Les Fleurs du Mal de 1857. Le Voyage. Et là, Baudelaire écrit qu'il ne faut pas partir en voyage, on sent bien que c'est ce qu'il veut dire, le cœur gros de rancune et de désirs amers. Les vrais voyageurs, écrit-il dans ce poème, sont ceux-là seuls qui partent pour partir, cœur léger, semblables au ballon. Christian Doumet, il y a cette idée qu'il faudrait être ce voyageur-là. En réalité, on peut sentir, surtout si on connaît la suite, pour ce qui concerne la vie de Baudelaire, qu'il a du mal à être ce voyageur au cœur léger. Mais tout le monde a du mal à être ce voyageur au cœur léger. Parce que c'est pas vrai qu'on part pour partir, ça n'existe pas, ça. C'est une totale fiction. Oui. Tous partent pour quelque chose. Ils ont une raison très forte de partir. Baudelaire a des raisons familiales de partir. Michaud a des raisons très très fortes de quitter sa famille. Et Ségalène, même schéma. Quitter le lieu d'origine, et c'est ça qui les fait partir tous leur manière. Aucun ne part pour le plaisir ne voyage pour le plaisir de voyager. Il y a cette phrase de Beckett que je trouve délicieuse, et pardonnez-moi, il y a une grossièreté, mais Beckett dit « Nous ne voyageons pas pour le plaisir de voyager, que je sache, nous sommes cons, mais pas à ce point-là. » C'est vrai de tous ceux qui écrivent sur leur voyage. Donc finalement, quand ils fantasment le vrai voyageur, il est même imaginable qu'il y ait de l'ironie chez Baudelaire, quand il dit le vrai voyageur part, le cœur léger. C'est oui, presque ironique. Oui, peut-être. Oui. Il faudrait s'interroger sur ce que veut dire voyager aussi en 1860 ou en 1840. Ça n'a pas du tout le même sens que ça a aujourd'hui. Voyager à cette époque-là, au 19e siècle, c'est se référer à de grands modèles de voyageurs littéraires, et puis c'est affronter des difficultés que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Alors s'il y a bien un texte de Baudelaire où vraiment on sent qu'il ne sait pas ce que c'est le cœur léger, et où il dit qu'on voyage vraiment pour quitter ce monde, pour en sortir. C'est ce texte qui s'intitule en anglais, donc « Anywhere out of the world ». Dans le recueil Le Spleen de Paris, posthume, si je ne me trompe pas, 1868, je vous en propose une lecture par Michel Piccoli. Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. Et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme. Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne ? Il doit y faire chaud, et tu t'y ragaillardirais comme un lézard. Cette ville est au bord de l'eau. On dit qu'elle est bâtie en marbre, et que le peuple y a une telle haine du végétal qu'il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût. Un paysage fait avec la lumière et le minéral, et le liquide pour les réfléchir. Mon âme ne répond pas. Puisque tu aimes tant le repos avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande, cette terre béatifiante ? Peut-être te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l'image dans les musées ? Que penserais-tu de Rotterdam ? Toi qui aimes les forêts de mâts et les navires amarrés au pied des maisons. Mon âme reste muette. Batavia te sourirait peut-être davantage. Nous y trouverions d'ailleurs l'esprit de l'Europe marié à la beauté tropicale. Pas un mot. Mon âme serait-elle morte? En es-tu donc venu à ce point d'engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal? Si l'on est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la mort. Je tiens notre affaire, pauvre âme. Nous ferons nos mal pour Tornéo. Allons plus loin encore, à l'extrême bout de la Baltique. Encore plus loin de la vie, si c'est possible. Installons-nous au pôle, là où le soleil ne frise qu'obliquement la terre, et les landes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie, cette moitié du néant. Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres, cependant que, pour nous divertir, les aurores boréales nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses comme des reflets d'un feu d'artifice de l'enfer. Enfin, mon âme fait explosion, et sagement elle me crie « n'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde !» Je vous prie de nous excuser, ce n'est pas Michel Piccoli qui lisait ce texte de Baudelaire, c'est Georges Claes, mais c'est quand même très puissant comme manière de lire, et le texte lui-même est saisissant. En anglais pourtant, le titre, non ? Anywhere out of the world. Pourquoi, Sophie Nolot ? Ah, pour être en dehors de ce monde qui est le sien, pour parler autrement, mais en faire aussi elle qu'importe, plonger au fond du gouffre pour trouver du nouveau. Enfin, c'est très sombre cette vision de Baudelaire. Il y a quand même beaucoup d'exaltation par ailleurs. Donc, ne l'enfermons pas non plus. Moi, je crois que les ballons, il y croyait au cœur léger. Je crois que ce qui nous touche encore beaucoup chez Baudelaire, c'est cette beauté de la langue et des sentiments, qu'ils soient au fond du gouffre, dans la noirceur ou dans un ciel très pur. Et donc, c'est toujours la difficulté quand on prend un texte ou quand on prend un petit bout, on ne voit, c'est comme quand il parle du tailleur de vitre, on ne voit qu'un petit reflet. Mais je crois que s'il y a des Pléiades, si Baudelaire nous parle encore tellement, c'est bien parce qu'il nous exalte le cœur et qu'il avait ça au fond de son âme qui sagement s'écrit, c'est magnifique cet oxymore. Et en même temps, dans cet ultime recueil, donc Le Spleen de Paris, paru après sa mort, il y a aussi l'invitation au voyage. Mmh. Et l'invitation au voyage, il écrit ceci, Baudelaire, dedans, « Chaque homme porte en lui sa dose d'opium naturel, incessamment sécrété et renouvelé. » Vous ne croyez pas les uns les autres que l'intériorité, de plus en plus, peut-être pour éviter les déceptions des vrais voyages, s'impose comme le lieu du grand voyage ? Alors, là, vous évoquez un texte qui est une réécriture, en fait, l'invitation au voyage en prose d'un poème en vers des Fleurs du Mal, et qui montre malgré tout, comme on vient de l'entendre aussi avec Anywhere Out of the World, que l'exotisme est de plus en plus critique dans l'œuvre de Baudelaire, qu'il porte en lui une certaine noirceur ou peut-être la promesse de son propre désenchantement. Si on revient à ce texte magnifique, hein, dont le titre est aussi inspiré d'un poète anglais que Baudelaire a traduit, qui s'appelle Thomas Hood. Mm-hmm. Hein, donc c'est aussi un emprunt, mais enfin il y a un effet, disons, d'exotisme au sens large. Hein, c'est aussi une sorte de thérapie à cette maladie de l'horreur du domicile, et une thérapie impossible, en fait, puisque tous les remèdes qui sont proposés au poète par l'âme sont balayés d'un revers de main, et aucune destination finalement n'est propre à guérir ce poète. Le domicile en plus n'est vraiment pas accueillant, puisqu'il vient de censurer 6 poèmes à l'intérieur des Fleurs du Mal, et pendant le Second Empire, il va s'exiler, enfin, on ne peut pas dire autrement, entre 1864 et 66, avec un lien certainement au moins épistolaire avec Victor Hugo. Donc c'est aussi à la mesure de ce que le domicile a de cruel que Baudelaire s'évade. Christian Doumet. Oui, oui, on pourrait le dire, là encore, on pourrait le dire des trois qui nous rassemblent ici. Le domicile, c'est-à-dire le lieu de la famille, le lieu familial, comme si la poésie, chez les uns et les autres, l'écriture dans un sens beaucoup plus large, ne s'édifiait que contre. Comme dit, oui, Michaud, je voyage contre. Je voyage contre quoi ? Je voyage contre ce qui m'a formé, ce qui m'a donné ma langue, ce qui m'a instruit, ce qui m'a donné ma consistance d'une certaine manière. Et l'exercice du voyage, l'expérience du voyage est une expérience au contraire de lâcher prise, d'abandon. Et c'est ça que d'abord ils vont rechercher. Ségalène à Tahiti d'abord, oui, au tout début du siècle. On va en parler maintenant, et puis, en effet. Et puis Michaud dans Équateur. Alors justement, nous parlons ce matin, je le dis aux auditeurs qui viendraient nous rejoindre, avec Sophie Nolo, Adrien Cavallaro et Christian Doumet. Nous évoquons Baudelaire, Ségalène et Henri Michaud, avec un X, comme vous l'avez bien souligné. Tous les trois, nous interrogeons leur rapport au voyage, et notamment aux voyages intérieurs, à la partie intérieure du plaisir ou de l'horreur de voyager. Alors Victor Ségalène, il naît en 1878, il aura une courte vie, 45 ans, il meurt en... même un peu moins, il meurt en 1919, 41 ans. Il donne l'impression, biographiquement, d'être peut-être le plus déterminé des trois et le plus consciencieux dans la préparation des voyages. Il fait des études de médecine, plus qu'un an comme Michaud, et il se fait embarquer comme médecin militaire en Polynésie. Bon, il va d'abord aller à New York, rejoindra San Francisco, où il découvrira au passage Chinatown et naîtra peut-être là un goût pour la Chine. Puis il arrivera à Tahiti, au retour il ira à Djibouti. C'est consciencieux chez Ségalène, le projet de voyager, Victor Doumet. Pardon, comment je vous ai appelé là ? Christian Doumet, Victor, il y a trop Doumet, de noms pour ça, moi ça ce matin. Ça ne me déplaît pas, c'est un compliment. Christian Doumet parlant de Victor Ségalène. Oui, votre question, pardon. Ma question est de savoir quel effort consciencieux Ségalène met à l'organisation de ses voyages. Il y a quelque chose de déterminé que, me semble-t-il, on ne retrouve pas chez les deux autres. Oui, oui, absolument. Bon, c'est quelqu'un qui a fait des études scientifiques, des études de médecin d'abord, qui a un sens pratique extrêmement développé, qui ne néglige aucun détail dans la préparation des voyages, qui d'abord commence par apprendre le chinois, il faut quand même le souligner, oui, par rapport à tous les autres, à tous ces grands voyageurs qui sont partis pour l'Orient. Michaud aura une expérience de la calligraphie, mais enfin il n'apprendra pas le chinois. Claudel ne parle pas un mot de chinois. Ségalène est le seul à être véritablement sinologue. Donc avant la guerre de 14, il rentre de voyage, il apprend le chinois. Il apprend le chinois. Et il repart. Alors, pour une raison qui est très pratique, il se dit que s'il n'apprend pas une langue extraordinaire, il sera confiné dans des destinations secondaires. Et la Chine est pour lui une manière de trouver quelque chose très loin, très très loin de chez lui, et de nourrir son écriture, parce que c'est le projet très conscient qu'il a. Et vous pensez que il a trouvé le pays réel en Chine, puisque il écrira Équipé en 1929, Voyage au pays réel. Il est certain, pour quand on le lit, il est sûr pour vous que la Chine a concentré tout ce qu'il attendait du voyage. Mais la question ne cesse de se poser à Ségalène, elle se pose également certainement à Michaud dans d'autres termes, précisément de savoir qu'est-ce que c'est que le réel, qu'est-ce que c'est que la réalité dans sa confrontation à l'imaginaire. C'est cette dualité qui est active, oui. Disons, à cette époque-là. C'est des termes qu'on n'emploierait plus tellement aujourd'hui, je pense, pour décrire un voyage, mais à cette époque-là, disons entre 1850 et 1950 peut-être, oui. Voyager, c'est confronter explicitement le réel et l'imaginaire. Confronter, ça veut dire nourrir son imaginaire avec du réel. Mais il faut du réel, il faut descendre les rapides du Yangtze, il faut se confronter à des difficultés matérielles, la faim, la soif, etc., pour nourrir l'imaginaire. Les deux ne sont jamais séparés. Mais c'est un projet très déterminé chez Ségalène. Oui. Et alors, c'est un texte posthume, en vérité, l'Équipé, si je ne me trompe pas une nouvelle fois, puisqu'il il date de 1929 et lui-même meurt en 1919. Donc, ce sont des textes que vous avez pratiqués tous les deux, Christian Doumet, Adrien Cavallaro, en éditant les œuvres de Victor Ségalène. Il écrit dedans, que dans cet ouvrage, que la mise en route et l'écrit au départ et l'avancée et tout le reste, il faut, prévient-il, ne pas être dupe complètement, ni dupe du voyage, ni du pays, ni du quotidien pittoresque, ni de soi. Il a peur d'être dupe. Et puis il pose une question, l'imaginaire déchoit-il ou se renforce-t-il quand on le confronte au réel ? Ne croyez-vous pas que c'est pour ce genre de questions que Ségalène a marqué Michaud ? Alors, on n'est pas si certain que Ségalène ait marqué Michaud. On se posait la question avant l'émission, dans la mesure aussi où, en réalité, vous l'avez dit, Ségalène meurt assez jeune. Et puis il meurt, si je puis dire, au mauvais moment, c'est-à-dire qu'il meurt en 1919, à un moment de l'histoire littéraire où il avait toutes les chances de tomber dans l'oubli. Où il tombe pendant quelques décennies avant d'être vraiment finalement découvert dans les années 60, mais 60 et puis au-delà jusqu'à nous. Donc, mais la similitude des expériences n'en frappe pas moins, et notamment cette question matricielle d'un texte comme Équipé, de la confrontation de l'imaginaire et du réel. Alors parlons de Michaud maintenant, marqué ou non par Ségalène, il a quand même fait médecine, comme lui, enfin au début, puis il est parti. La question du statut du voyage dans l'œuvre, dans le processus créatif de Michaud, on pourrait peut-être introduire cette question par ce propos de l'écrivain Frédéric Ball au sujet de Michaud, c'était sur France Culture en octobre 1999. Il m'a dit, vous devez prendre garde dans tout ce que vous ferez au cours de votre vie, de ne pas vous figer, de ne pas vous installer dans une posture, dans une pose définie. Et le jour où vous vous manifesterez artistiquement, ou vous publierez des livres, vous ferez des spectacles, quoi que vous fassiez, il ne faut pas vous installer dans ce que vous êtes. Il faut rester ouvert à des possibles infinis, il faut pouvoir changer d'orientation brutalement à tout moment. Et je voyais bien qu'il était très fier de dire qu'il avait montré des textes qu'il venait d'écrire à des amis et que ses amis avaient été surpris parce que ces textes ne ressemblaient pas à ceux qu'il avait écrits précédemment. Là, évidemment, il y a une attitude qui est fondamentale chez Michaud. C'est une vie qui bifurque, qui change d'orientation sans prévenir. Et depuis que nous avons pu lire la chronologie de Michaud dans la bibliothèque de la Pléiade, établie remarquablement d'ailleurs par Raymond Bellour. Nous voyons qu'il voyage également dans tous les sens. Il est à Barcelone un jour, 8 jours plus tard, il est signalé en Afrique du Nord, nous le retrouvons en Turquie 15 jours plus tard. C'est un homme qui bouge sans arrêt, tout simplement parce qu'il ne se sent bien nulle part, évidemment. Et aussi parce qu'il veut renouveler sa pensée, son émotion, sa subjectivité, son affectivité, qu'il veut se découvrir de nouveaux terrains, qu'il est occupé à voyager en lui-même et au dehors pour chaque fois modifier ses positions de pensée. C'est le contraire de la pensée unique, c'est le contraire de la dictature. C'est l'invention de la liberté à chaque pas. Alors, on va évidemment commenter ce très intéressant point de vue. Je voudrais qu'on ait tout de suite les mots de Michaud en tête. Dans ce recueil qui s'appelle « Mes propriétés » en 1929, il dit quelque chose de tout à fait intéressant, comme une envie de se perdre. Et peut-être est-ce cela, le fait de ne jamais s'installer dans l'intériorité. Écoutez, c'est un très, très beau poème, donc de 1929, « Emportez-moi ». Une vieille et douce caravelle, dans l'étrave ou si l'on veut dans l'écume, et perdez-moi au loin, au loin. Dans l'attelage d'un autre âge, dans le velours trompeur de la neige, dans la laine de quelques chiens réunis, dans la troupe exténuée des feuilles mortes. Emportez-moi sans me briser dans les baisers, dans les poitrines qui se soulèvent et respirent, sur les tapis des paumes et leurs sourires, dans les corridors des os longs et des articulations. Emportez-moi, ou plutôt enfouissez-moi. Et cette fois-ci, vous avez sans doute reconnu Michel Bouquet qui lisait ce poème de Henri Michaud, « Emportez-moi » dans le recueil « Mes propriétés » en 1929. Sophie Nolo, désir de se perdre, vous mettriez cela au centre de la démarche de Michaud ? De se perdre et de se retrouver, finalement, c'est comme avec ses galènes, on fait un voyage au loin, mais pour découvrir que le voyage, il était au fond de soi. Donc je pense que ce n'est pas être... Ce que Michaud met à distance, c'est l'extériorité. Ce n'est pas du tout l'intériorité, et c'est ce qui est magnifique dans son rapport au corps. Ce que l'on n'a pas dit de ses galènes aussi, c'est que le voyage est bel et bien réel parce qu'il arpente. Quand il rêve de franchir la frontière de la Chine et du Tibet, quand dans Équipé, il passe le col, quand il décrit la sueur, la fatigue physique de ses muscles, enfin, ce sont des poètes qui ne se payent pas de mots. Oui. Tout cet imaginaire, il lui a fait mal aux reins. Enfin, il a marché, et quand on a un peu crapahuté en Transhimalaya, on voit bien de quoi il parle. Et en Michaud, plus, c'était cardiaque, vous l'avez dit, il a eu du mal à respirer. Pour Henri Michaud. Et Henri Michaud, pareil, quand il se fond dans la foule du Bengale, alors que c'est quelqu'un qui déteste être à plus de 4 personnes, il n'ouvrait pas la bouche, tout d'un coup, il y a dans cette mise à distance, enfin, cette mise au-delà, en fait, c'est ce qui est assez... C'est ce qui est fascinant dans cette façon de voyager. Michaud, on l'imagine toujours très, très vertical, très ne parlant pas, très recroquevillé, mais il a baroudé comme un fou. On citait le Portugal, on citait l'Espagne, on citait la Turquie, l'Inde. Il apprenait les langues, il voulait apprendre un dialecte vietnamien. Certes, il ne parlait pas chinois, mais il s'est intéressé infiniment à la calligraphie. Enfin, il avait cette vraie passion. Et je crois que c'est ce qui est magnifique dans cette notion du voyage, en fait. Oui, on se transporte, oui, on passe des frontières. Oui, on veut aller ailleurs, le cœur plus ou moins léger, mais finalement, on ne trimballe que soi. Et la chance de ces poètes, c'est qu'ils font de ce soi une chose qu'on n'a jamais entendue ailleurs, ni comme ça, par les mots. Donc l'intériorité, elle est capitale, et ce n'est pas pour la perdre, au contraire. Et Michaud a ce rapport au corps, il se casse le bras, il dit « tiens, c'est intéressant, je le questionne ». Et le voyage, c'est la même chose. Tout ce qu'il aura rencontré lui permet de se questionner et de questionner les autres. Enfin, il se coltine à autrui comme il n'a jamais pu le faire dans son propre pays. Adrien Cavallaro, sur cet enjeu très sensible, la question du corps est centrale chez Michaud, du voyage. Oui, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit, sur ce que vient de dire Sophie Nolot, qui était extrêmement intéressant, parce qu'il y a peut-être un pont inattendu ici entre Michaud et Baudelaire. Hein. On pense je pensais à une phrase qu'on trouve dans Mon cœur mis à nu, « Un, c'est tous, tous, c'est moi », dit Baudelaire, et c'est l'expérience des foules où le moi se perd dans la multitude pour retrouver sa propre solitude, et les deux termes sont mis en parallèle. Et il y a là, que le voyage ait été effectif ou non, une sorte de fil continu entre les poètes. Il y a un autre texte, donc on a entendu cette magnifique lecture, dont je rapprocherai ce poème de Michaud, c'est une exclamation que Baudelaire a dans le poème des Fleurs du Mal, « Moesta et errabunda »,« Emporte-moi wagon, enlève-moi frégate ». Et on voit ici encore un fil continu, qu'il y ait eu ou non véritablement voyage. Dans la préface de « Ecuador », qui est un autre recueil de 1929, Michaud écrit « Un homme qui ne sait ni voyager ni tenir un journal a composé ce journal de voyage ». Ce côté gauche, non expert de Michaud fait partie de son travail poétique, cette espèce d'aveu. J'y suis allée avec mon corps et toute ma maladresse. Quoi. On a l'impression que c'est cela qu'il nous dit, Christian Doumet. Il y a au départ, chez Michaud, je dirais même au départ de toute l'œuvre poétique de Michaud, une espèce de défaillance d'être, quelque chose qui ne tient pas. Et c'est ce dont il fait l'expérience d'abord dans Ecuador et dans son voyage en Équateur. Une espèce de faiblesse naturelle. Le génie de Michaud, c'est de faire ce que nous autres, nous ne faisons pas avec nos faiblesses. Nous nous raccrochons aux branches, nous essayons de trouver des points d'ancrage, des solidités. Lui, il a profité de cette faiblesse. Il s'est laissé couler, comme il le dit. « Je coule », dit-il. Oui. « Je suis né troué », dit-il ailleurs. Mm-hmm. « Je suis un creux fermé », à un autre endroit. Bref, toutes ces expériences tendent à prouver que le voyage, enfin le premier voyage, qui est quand même très fondateur chez lui, le voyage en Équateur, c'est moins un voyage dans l'espace horizontal qu'une sorte de descente, une espèce d'enfoncement, et notamment d'enfoncement dans l'ennui, ce qui est le thème récurrent d'Équador. Enfin, c'est Quito l'ennui, Quito au nom de couteau, comme il le dira, quitter Quito, Quito, qui très curieusement est une ville en altitude et qui ressemble à une cuvette. Toutes les rues sont bouchées. Bref, il y a quelque chose de très déceptif dans cette expérience du voyage qui est constitutif de son être même. Et il voyage avec ça. Alors cet aspect déceptif, ça tombe bien, je voulais qu'on y revienne. Vous avez noté que c'était un peu ma première question. Et en dernière question, je voudrais vous la poser à tous trois. Il y a un peu du huissement chez ces auteurs-là, en tout cas chez Michaud, vous venez de le dire. L'idée que il y a un texte dans À rebours où le personnage principal vient d'arriver à Londres, et dans un pub, les gens entrent dans ce pub, il pleut, ils ont une odeur de chien mouillé, et puis il se dit « bon, maintenant il est temps de rentrer, quoi, il n'y a plus grand-chose à faire ». Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre ? C'est-à-dire, le voyage, au fond, c'est toujours un peu décevant, on ne touche pas ce qu'on voulait. Mais j'ai l'impression, Sophie Nolot, vous êtes assez contre cette touche moi, je suis over the rainbow. Un peu oui, moi, mélancolique. C'est un, oui. Si, la mélancolie, bien sûr, mais je crois au contraire, leurs œuvres sont là pour témoigner. Quand Michaud dit « j'écris pour me parcourir, peindre, dessiner, composer, me parcourir », là est l'aventure d'être en vie. Oui, l'aventure d'être en vie, elle passe par des gouffres, elle passe par des soleils, mais je trouve que dans l'œuvre de ces trois compères-là, il y a une énergie du diable. Ce n'est qu'un petit trou dans ma poitrine, mais il y souffle un vent terrible. Ça aussi, tout à l'heure, Christian Doumet y faisait référence, ce petit trou. Oui, effectivement, il faut quand même se confronter au vent terrible. Quoi. C'est ce que vous répondez. Vous jouez ce Michaud-là contre le Michaud de la déception. Mais les vents terribles sont une chance de se révéler. S'il n'y avait pas de vent, comment on tiendrait droit? Merci pour cette réponse. Je vous écoute, Adrien Cavallaro, sur ce problème. Mais ça se poserait peut-être d'une façon différente, en tout cas pour Baudelaire. Vous avez évoqué ce texte de Huysmans, qui est une amplification en fait d'un poème de Baudelaire qui s'intitule « Les projets dans le spleen de Paris », où Baudelaire finit par conclure que l'exécution en soi du projet importe peu et que la formation imaginaire du projet est la seule qui vaille. Alors... Je pense que ici, je serais un peu en désaccord, pour Baudelaire en tout cas, avec ce que vient de dire Sophie Nolot, plutôt en accord avec ce que vous dites, au sens où Baudelaire, à la fin de sa vie, finit tout de même par conclure qu'en effet, seul vaut avant tout l'exercice de l'imagination en tant qu'il permet ce qu'il appelle la concentration du moi et qu'il permet de conjurer le risque de vaporisation. Alors pour Michaud, c'est vous qui aurez le dernier mot, Christian Doumet. Le statut de la déception, vous en avez parlé, mais est-ce que néanmoins il ne faut pas sans cesse recommencer, quoi ? Recommencer à se raconter que le voyage va guérir cette déception pour la revivre ? Oui, bien sûr, mais c'est le génie de la déception, je trouve, c'est que la déception n'est jamais définitive. Évidemment. Et donc, s'ennuyer fortement quelque part, comme dans l'Équateur, comme à Quito, ça veut dire qu'il faut aller chercher ailleurs un lieu intéressant, un lieu, une expatriation, comme il le dit, quitte à trouver ailleurs, évidemment, bon, des choses qui sont plus ou moins heureuses. Un grand texte dont on n'a pas parlé, Un barbare en Asie, est un grand effort, je trouve, de la part de Michaud, pour essayer de trouver tout de même un ancrage quelque part. Il énonce dans ce texte-là, à propos de l'Inde, de la Chine, du Japon, des sortes de vérités générales que je trouve, pour ma part, assez affligeantes. Ah. Oui. Sur le mode, le chinois est, l'hindou est, le Japon est. Oui, c'est bon. Pas le meilleur de Michaud. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. D'autant plus que la révision de l'édition d'Un barbare en Asie en 1967 vaudra des notes en bas de page qui sont regrettables de la part de Michaud et peu compréhensibles, qu'a très bien souligné Simon Leys, des notes qui tiennent compte de la révolution culturelle. Avec cette sorte d'admiration béate pour ces événements. Bon, passons là-dessus. Michaud et la politique. Oui, on revient c'est pas son truc, à cette longue question. Clairement. Non. Oui. Mais enfin, on est en 1967. Ça explique peut-être des choses. Pas tout. Mais il n'empêche qu'il faut repartir pour trouver un aliment. Mmh. Ailleurs, qu'on ne trouvera d'ailleurs jamais, mais peu importe. Alors, lointain intérieur, je voulais quand même le dire pour finir. Je trouve que c'est un titre magnifique qui dit beaucoup de choses de Michaud. C'est le titre d'un recueil de Michaud de 1938. Thank you. Et vous entendez une adaptation en espagnol de Voyage, Voyage de Desireless, cette chanson de 1987. C'est Vuela, Vuela par le groupe mexicain Magneto. Merci à Sophie Nolo, à Christian Doumet, à Adrien Cavallaro pour tout ce que vous avez dit sur ces univers intérieurs néanmoins nourris de voyage, de Baudelaire, de Victor Segalen et de Henri Michaux. Les références de vos travaux à tous trois sont sur le site d'Avec Philosophie. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui cette semaine nous parle de différence et d'indifférence. Voici le pourquoi du comment. Comment le langage résiste-t-il à la différence? Le problème de la différence entre les êtres n'est pas seulement un problème, disons, ontologique, pour le dire de façon pompeuse, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les êtres sont différents dans le temps, dans l'espace, dans la vie, pour ainsi dire. C'est aussi un problème logique, un problème linguistique, car nous rangeons les êtres sous des catégories générales, et il y a ainsi en philosophie un problème classique du genre et de la différence, de la singularité et de la généralité. Mais ce problème a trouvé un sommet, en quelque sorte, une intensité extrême, paradoxale, dans un moment théorique où justement on définissait le langage par la différence. C'est le moment de ce qu'on a appelé le structuralisme en France, notamment en Europe, dans les années 60 et 70, à la suite de la découverte de Saussure, le linguiste genevois, que le langage était fait de différences, était fait d'un système de différences, ne renvoyait pas à des essences a priori. Par exemple, le mot table ne trouve pas son sens d'abord parce qu'il renverrait aux tables, mais d'abord dans le système de la langue, parce qu'il se distingue d'autres mots, d'abord phonétiquement. Il se distingue du mot fable, il se distingue du mot rable, il se distingue par des sons des autres, et c'est comme ça qu'il trouve sa signification, non seulement par un rapport aux choses au dehors, mais aussi par un rapport de différence entre les signes du langage, le langage comme pur système de différence. Alors ici, le langage ne devrait pas résister à la différence, puisqu'il est fondé sur la différence. Et pourtant, les philosophes des années 60 et 70, les philosophes de la différence, justement, pour la plupart d'entre eux, qui ont essayé de penser le langage comme renvoi, le langage comme distance à soi, un peu comme Jacques Derrida, qui a cherché à déconstruire les essences philosophiques en montrant qu'elles étaient toujours construites par un système de différence, ces philosophes ont cherché justement à montrer que, même si le langage est fondé sur la différence, il y résiste de l'intérieur, il la nie de l'intérieur, il reste essentialisant. Même un philosophe comme Emmanuel Lévinas, pour qui la différence était d'abord éthique, morale, il pensait que le langage nous ramène toujours à la logique, à la totalité, et non pas à l'infini de l'éthique. On parle des hommes et on ne voit plus les visages différents, les singularités profondes, l'altérité radicale qui dépasse le langage. C'est pourquoi dans les années 60 et surtout 70, tous ces auteurs, les plus rigoureux, les plus créatifs d'entre eux, ont essayé d'écrire d'une manière qui fasse éclater la résistance du langage à la différence. Ils ont produit des livres très difficiles, parfois des livres illisibles, y compris Emmanuel Lévinas, son « Autrement qu'être » et « Au-delà de l'essence », qui est un livre aussi difficile à lire que les livres critiqués pour cela même de Jacques Derrida ou du Deleuze et Lyotard, par exemple, aussi dans les années 70 surtout. Il fallait en quelque sorte mettre en accord la pratique de l'écriture avec la théorie du langage. La critique du langage devait se traduire dans l'écriture même. Et par exemple, Derrida qui écrivait « différence » avec un « a ». Parce que « différer », c'est aussi un acte temporel. Et dans le langage, il y a toujours un retard ou une avance du signe sur la chose. Et au fond, peut-être qu'écrire, et ça n'est pas audible, écrire cette différence, cet acte de différer, c'est justement faire résister le langage à son propre pouvoir d'écrasement de la différence. Mais tous ces auteurs, y compris encore une fois Lévinas, dans cette hyperbole de la différence, ou Paul Ricoeur, tous ces auteurs pouvaient défaire cette critique du langage, revenir à un langage facile, simple à écrire, simple à dire, simple à entendre, pour nous faire comprendre l'importance de nos différences dans le langage, dans les signes, mais aussi dans l'existence. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kira avec à la technique Sébastien Royer. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Axel Dubois, Chaïma Gibois, Anna Fulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!